Audiomatic. Le groupe suisse Yellow lançait cette transmission 170 d'Audiomatic avec sa pièce Domingo, tirée de l'album Stella, paru en 1985. Rappelons que le groupe Yellow s'est formé en 1979 et produit encore aujourd'hui de la musique électronique. électronique. Les électronistes vous souhaitent la bienvenue à cette autre transmission d'Audiomatique consacrée à la musique électronique. Jusqu'à 18h, nous vous accompagnerons en vous présentant nos suggestions du moment qui ne se limitent pas à une période précise de la temporalité historique. Donc, sans plus tarder, voici. Thank you. terminions cette séquence musicale à Audiomatique avec le groupe français Nine Elma, fondé à la base par Stéphane Trémel, qui a créé sporadiquement au cours des années 90 et qui s'est adjoint les services de Grazia Del Oglio et de Laurent Lefebvre pour la parution de l'album Cœur liquide en 2009. Nous entendions de Nine Elma la pièce The Deep Bell of Maria, tirée de la compilation Table of Elements Volume 3 de l'étiquette M-Tronic. Précédemment à Nine Elma, il s'agissait de l'artiste galloise établie en Angleterre, Kelly Lee Owens, et sa chanson Lucid de son premier album homonyme lancé en 2017. Et pour débuter, on avait droit à la chanteuse Sophia Kennedy, originaire de Baltimore mais habitant Hambourg, qui nous interprétait Something is Coming My Way de son album homonyme, qui, tout comme l'album de Kelly Lee Owens, est sorti l'année dernière, soit en 2017. L'artiste Kevin Key lance la prochaine séquence musicale avec la pièce Tatayama. We'll be right back. On vient d'entendre à Audiomatic le projet Venetian Snares de l'artiste Aaron Funk. La pièce Swindon paraît sur l'album Calvacade of Glee and Dadaist Happy Hardcore Pom Poms, sorti en 2006. Avant Venetian Snares, c'était l'artiste d'origine brésilienne Amon Tobin et sa pièce Gototen qu'on retrouve sur son album Issam. Et pour amorcer la séquence, nous entendions la musique de Kevin Key, soit la pièce Tatayama parue sur l'album de Ghost of Each Room. On l'a déjà dit à Audiomatic dans le passé, mais rappelons que Kevin Key est un des membres fondateurs de la formation Skinny Poppy et également du projet Download, ce dernier qu'il mène encore aujourd'hui avec Phil Western. C'est sous l'impulsion harmonique du duo hypersensible qu'Audiomatic reprend sa cadence. Jusqu'à ce que l'on s'efface. miss you. This is what it feels like to wish you were mine. A snake in my stomach, a shiver in something along my spine. I'm not alright. This is how I go on about it. Singing to a fast song without any rest. Too much for one season, too long. Breath count to ten, I'm not gonna listen if you say no. Everything that I want, don't let me fall apart if you say no. Don't say no. Say I can call out your name and you come running my way. Been trying to love you and quiet remind myself to. Please just say love. Never any good at pretending. Never any good at defending a lie. I just wanna see you, even though it's uncool, undignified. Oh, one last time. Say no. Everything that I want, don't let me fall apart. If you say no, don't say no. Say I can call out your name and you come running right away. And try. À Audiomatic, les électronistes vous présentaient le groupe Fjord Moss, qui est originaire de la République tchèque, mais qui est maintenant basé en Allemagne. Nous vous avons fait jouer la chanson « Eight Bones », qui ouvre leur premier album studio « Kingdom Come », paru en octobre dernier. Nous avons aussi pu entendre la chanteuse américaine Julia Easterlin, qui se fait également appeler Height, H-I-T-E. Elle nous interprétait la pièce Miss You de son album Light of a Strange Day. Et le duo français hypersensible formé de Cyril Paumery et Jean-Martial Guillem ouvrait ce segment musical avec la pièce Tendre Temps de leur mini-album Sur la peau, disponible sur leur profil Bandcamp en échange d'une contribution qui est laissée à votre discrétion. La transmission 170 se terminera sur la musique de la formation colombienne Bamba Estéreo et la pièce Par Respirar qu'on retrouve sur leur deuxième album Elegancia Tropical, paru en 2012. Les électronistes ne prennent jamais les choses pour acquises, mais ils vous invitent quand même avec assurance à sintoniser le 89.1 FM mercredi prochain dès 17h pour la transmission 171 d'Audiomatic. Vous avez également le loisir de vous mettre en mode exploratoire et vous laisser guider par votre curiosité en visitant nos profils facebook.com/audiomatic-cfou et également mixcloud.com/audiomatic. Voici donc Bamba Estéreo et la pièce Par Respirar. C'était Audiomatic avec les électronistes.